J'y étais allé. J'ai travaillé avec Bernard Labelle, c'est pas un carburateur, mais c'est une patente électrique que Labelle voulait faire à Saint-Charles. Labelle, c'était un froid, lui, c'était un chaud. Ils ont travaillé ensemble, c'est parfait. Parce que ça, c'est quoi? Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste ici. Tant que c'est pas ici. Faut que ça soit compris ici. Moi, j'ai un des chums, c'était un chaud, puis sa femme, c'est une froide. C'était un chaud, mais c'était une froide. Puis éventuellement, ils ont dû se séparer. Parce que c'est elle qui voulait porter les culottes. Parce que lui, c'était un chaud, puis elle, c'était froide. Elle qui portait les culottes. La femme de la carrière, peut-être, lui, c'était un petit kito. Et quand il est arrivé ici, elle pouvait plus marcher, puis elle, comme elle n'est pas montée ici. Là, il s'est trouvé une autre froide, mais elle, l'autre froide, est ici, fait que ça entend bien. Mais la même polarité. Mais ce que tu dis, c'est vrai, mais ce qu'il dit, lui aussi, c'est vrai. C'est toi qui as beaucoup de divorce. Ma femme, c'est une chaude. Moi, je suis un froid. Non, pas un froid. Des fois, c'est une froide. Ah, c'est intéressant. Des fois, elle est froide, des fois, elle est chaude. Oui, des fois, je suis froid, des fois, je suis chaud. Mais quand elle est prête, moi, je suis chaud. Puis quand moi, je suis chaud, quand moi, je suis froid, elle est chaude. Sans ça, si on est à toi deux froid, toi deux chaud. Ben, on l'est des fois, c'est pas ça que vous voulez dire. Mais ici, ça finit tout, ici. Ben, si moi je suis frette et elle est frette, ben, on s'entend pareil. Mais on se fait prendre dans les personnalités, dans le jeu de personnalités. C'est pour ça que je disais tout le temps. Comprenez donc que dans un couple, l'intelligence se servira de la froideur ou du chaud ou de la polarité du couple pour vous amener à l'intelligence. Toi, tu es un exemple avec ton mari. Toi, tu es une froide, puis lui, c'est un chaud. Le principe actif, c'est toi, puis le principe passif, c'est lui. Mais quand vous êtes dans votre intelligence, c'est bon que ce soit de même. Vous bénéficiez de ça. Lui bénéficie de toi, puis toi, tu bénéficies de lui. Mais si vous n'étiez pas dans l'intelligence, c'est là que les problèmes viennent. Pour le bénéfice de ceux qui écoutent la cassette, mais quand tu fais un signe de la main, eux autres, ils verront. Ils peuvent s'imaginer. Je dis, faites pas prendre dans le jeu des personnalités. L'intelligence te sert de vos personnalités pour vous amener à l'intelligence, et ensuite vos personnalités, qu'elles soient un ou l'autre, ça fait des papas. C'est une intégration totale. Puis tu regardes les couples, c'est du froid et chaud, hein? C'est chaud. Au but, c'est froid. Bernard, la belle, sa femme, c'est la même chose. Regarde la mal enfant de son mari. Même chose. Ouais, je... Son chum. Son ami. Ouais, je... Mais quand t'es ici, il n'y a plus de différence. C'est deux jeunes à rien, c'est des amitiés froid et chaud. Elle est froide, elle est chaude. Bon, mais ce qui se passe entre les couples, ça se passe entre les hommes. Seulement, comme on est poli à des gens, ben, on a tendance plutôt à aller vers le froid si on est froid ou le chaud si on est chaud. C'est là qu'on fait une erreur. Ben, pas nécessairement, on doit être capable d'aller à tout le monde. Entre un couple, c'est normal qu'il y ait une polarité, mais entre les hommes, les gens de, qui sont d'un acabit devraient pouvoir rencontrer l'autre s'ils sont dans l'intelligent. Ils disent que c'est bien important, ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire ce qu'on a à faire. Là, on ne pourra pas avancer tant qu'on ne fera pas. Parce que tous les liens doivent être faits. Tous les liens doivent être faits. Tous les liens. C'est des fois bien chaud. Non. On n'a rien à apprendre d'une autre personne. Hey, je vais en parler, tu vas revenir, parce que tu viens de faire un point qui est bien important. On n'a rien à apprendre, ça c'est bien subtil, c'est un autre part maudite. Moi, c'est quand les gens me disent, j'apprends beaucoup de choses de mes enfants. On n'a rien à apprendre de nos enfants, nos enfants sont inconscients. Si on apprend de nos enfants, c'est parce que on les regarde en relation avec notre ego. Si on regarde nos enfants en relation avec l'intelligence, on n'a rien à apprendre de nos enfants. Moi, j'ai rien à apprendre de ma fille. Je dirais. Elle a bien des affaires à apprendre de moi, mais moi, j'ai rien à apprendre d'elle. Ça, c'est une subtile illusion, c'est une subtile déformation psychologique de l'ego, de la personnalité de l'homme. Puis il y a bien du monde qui me dit ça. Je regarde mes enfants, puis j'apprends de mes enfants. On n'a rien à apprendre de nos enfants. Mais on ne réalise ça que quand on est dans l'intelligence. Mais tant qu'on n'est pas parfaitement dans l'intelligence, on apprend de nos enfants parce que l'action de nos enfants produit dans notre ego une réaction qui nous fait réaliser des choses. Tandis que quand on est dans l'intelligence, on n'est plus expérientiel. On est créatif. Constamment créatif. Quoi? À quoi? Tu continues. Donne-moi pas une histoire, là, mais explique-moi le principe. OK. S'il y a des frictions, tu n'apprends pas d'elle. Tu apprends par le fait que tu es avec elle, tu deviens centré. Bon, elle sert à ton évolution comme toi, tu sers à la tienne. Ton enfant sert à ton évolution, mais tu n'as rien à apprendre de tes enfants. Ton enfant, il est tannant, mais ça te fera développer de la patience. Non. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de personne. Personne. Ça, c'est un point subtil. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de personne. Vous subir la subtil avant d'être directif. Moi, là, il y a bien du monde qui me dit ça. Souvent, j'apprends à mon gars, je dis rien, parce que tout le monde me le dit. Mon enfant m'a... J'ai appris ça de mon enfant. Mon enfant m'a fait voir ça. Ça me crée des chocs. Non pas parce qu'ils apprennent pas quelque chose, parce qu'à leur stage, ils apprennent quelque chose de leur enfant. Mais je parle pour demain, je dis demain, tu n'apprendras rien de ton enfant. Tu guideras ton enfant. Bob. Tu n'as rien à apprendre d'un enfant. C'est une déformation. Quand tu es dans l'intelligence, tu es seul. Quand tu as deux êtres dans l'intelligence, ben, Tu vis ensemble en harmonie. Moi, ma femme, aujourd'hui, elle apprend rien de moi dans son intelligence. Quand elle dit c'est ça, c'est final. Je suis obligé de fermer ma gueule. Elle a raison. Tu veux que je te dise? Ah, je suis obligé de voir ce qu'elle veut dire. Faites rentrer un tapis à la maison, elle voulait d'une couleur. Moi, j'avais mis d'une autre couleur. J'ai dit, comment se fait que moi j'ai une couleur, puis j'ai raison, puis toi, t'as une couleur, puis t'as raison. Je peux pas avoir deux raisons en même temps. Faut que ça se fusionne. Faut qu'il y ait une synthèse. J'ai dit, continue à m'expliquer ta couleur. Elle dit, ma couleur, cette couleur-là, elle va sur le plancher, puis elle va dans les escaliers, puis elle monte dans les chambres, c'est uniforme tout partout. Puis ça va avec le set de chambre à la petite. Tandis que ta couleur, elle va ici, parce que ma femme, elle sait que la seule partie de la maison qui m'intéresse, moi, c'est le salon. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, le salon, mais pour le moment. Moi, je suis à tout. Comme je fonctionne dans One Track Mind, c'est le salon. Vous voyez, cette couleur-là. Mais elle dit, ça peut pas aller, cette couleur-là, dans la chambre de la petite avec ses mains. Ah, j'ai dit ça, le problème. J'ai dit, moi, je vois ici, tandis que toi, tu vois ici, les marches. J'ai dit, c'est ton tapis qui rentre. Fait qu'on a fait rentrer ton tapis. Mais quand ton tapis est rentré, j'ai dit, moi, je peux me permettre à cette heure de mettre ma couleur. Elle dit, comment tu vas faire ça? J'ai dit, m'en mettre une cartelle par-dessus. Elle dit, c'est ça. Fait que ça résout le problème. Fait que là, on avait tous les deux. On a toujours raison tous les deux. C'est ça, être dans l'intelligence. Si les gens, en tant que couple, se verraient dans l'intelligence, au lieu de se voir dans leur personnalité, ils verraient qu'il y a tous les deux raisons, ben, ils vont pas au bout de leur raison. Fait qu'avec le temps, ils s'ajustent, puis s'ajustent, puis s'ajustent, puis s'ajustent. Parce que si ma femme, elle dit une chose, faut que il y a une raison pourquoi est-ce qu'elle dit une chose. Ben, je dis, explique-moi-les, elle me l'explique. Puis après ça, je dis à eux autres, je dis, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est là qu'on vient. Puis... Fait que quand j'ai donné ma raison au bout, puis qu'elle a donné sa raison au bout, on a tous les deux raisons, puis on a la troisième réponse au problème, à la dualité, puis c'est la carpette par-dessus son tête. C'est même ça. Fait que comme ça, tu enrichis ta maison d'un bord avec elle, puis d'un bord avec moi. Puis tout le monde est bien. C'est pour ça l'aspect le plus difficile de tout ce mouvement-là vers l'éther, ça va être la capacité aux personnalités de fonctionner en relation avec l'intelligence pure et non en relation avec la personnalité, l'astral. Parce que l'intelligence pure, elle ne s'explique pas tout le temps, tout de suite. Ils peuvent bien dire, toi, une affaire, puis cinq dans 2 semaines que tu vas comprendre ce qu'ils veulent te dire. Mais si ton Claude te bloque parce qu'il comprend pas à ce moment-là, c'est là qu'on fait interférence. Puis c'est pour ça qu'on fait constamment interférence avec l'intelligence. C'est pour ça que sur la Terre, on est pauvre, on est dans la merde, puis tout est de travers. Parce qu'on fait constamment interférence avec l'intelligence. C'est pour ça que dans le cycle qui vient, l'intelligence, elle descend dans l'homme pour la première fois. Depuis l'évolution de l'homme sur la Terre, c'est pour ça que ça va changer tout au cours de la civilisation. Mais dans des conditions que l'homme inconscient ne pourra pas comprendre. Puisque l'homme qui se conscientise, puis qui va vers l'intelligence, va comprendre de plus en plus au fur et à mesure que le plan de l'intelligence est là. C'est là qu'on va faire des maudites belles vies. Mais qu'on ne peut pas t'imaginer aujourd'hui. Parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de voyance. Rappelez-vous-en bien. L'intelligence, dans l'intelligence, il n'y a pas de voyance. La voyance, c'est de l'astral. L'intelligence, tu le sais et tu sais ce que tu as à savoir pour le temps que tu as à savoir. Tant ça, tu auras trop de tension. Si tu savais tout ce qui va se faire dans 100, 200 ans, ben, tu seras. Tu auras cette énergie-là dans la tête, tu ne pourras pas dormir. Toujours juste assez. Ouais. Moi, à chaque nouvelle année, je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe cette année, là? Donne-moi un overview, là. Fait qu'il me donne un overview de ce qui se passe cette année, là. C'est tout ce que je veux savoir. Puis ça tombe comme du clockwork. Pas la voyance. Il dit, c'est bien important de comprendre que de l'intelligence cosmique, ce n'est pas de la voyance, même si elle est voyante. OK? Même si elle est voyante. C'est évident qu'elle est voyante. Mais c'est pas de la voyance. Quand ils disent, mais vous donnez vos affaires. Tu peux pas rester avec cette information-là. T'as la détention. Moi, je suis allé dans l'étage, je l'ai vu la science des siècles qui viennent. Puis me coupe. J'en ai pas la mémoire. Comme ça, je suis bien. Sans ça, je vis. Je ne voudrais pas vivre ici. Ça ne sera pas intéressant à ma télévision. Je dirais, c'est rien là. Je ne serais pas intéressé à mon corps, il n'y a rien là. Je ne serais pas intéressé à mes vêtements, je dirais, il n'y a rien là. Sauf que c'est coupé, on est coupé. Hey. L'architecture, demain. Hey. Tout le monde, toi, le gars qui est pogné avec cette énergie-là, qui voit ça, puis il veut se construire une maison, un shack dans le bois. Il a fait vraiment sa maison dans le bois. Fait qu'il te coupe. Moi, j'en ai vu d'architecture, j'ai sauté de même dans mon lit. J'en croyais pas mes yeux. Ensuite, il te coupe. Tu peux pas vivre avec ça. C'est la strength de l'homme, ça, qui veut. C'est pour ça que c'est caché, ces affaires-là. Puis c'est bon que ce soit le même. On est avancé dans le... Hein? Je comprends, c'est trop beau! Moi, c'est rendu ma petite fille. C'est rendu... Tu sais qu'on achète des choses, on achète du linge, des fois. C'est rendu quand quand je m'achète quelque chose, il faut que j'aille à tel magasin. Je n'ai pas 4-5 magasins. Il y en a peut-être 5 000 à Montréal, mais il y en a 4-5. C'est là que je vais. Je suis pas capable d'aller à un autre. Il faut que j'aille là. Même deux quand tu tombes dans des affaires là-bas. C'est du linge. Cache à la peau. Il y a une chose que je voulais dire qui est bien importante. C'est bien important, ça vous allez comprendre plus tard quand vous êtes encore plus intelligent. C'est bien important que les hommes et les femmes réalisent. OK. C'est bien important que les hommes réalisent que les femmes aiment ça, que les hommes soient beaux aussi. Parce que les hommes veulent que les femmes soient belles. Ça, c'est l'égocentrisme de l'homme. L'homme, lui, comment il se sent déchiré, hein, c'est clair. Il peut pas s'imaginer que sa femme, elle aime ça, qu'il a des beaux pantalons pressés et une belle cravate. Les hommes ne sont pas conscients que les femmes aiment ça, que les hommes paraissent bien. Y en a-t-il des femmes qui peuvent me baquer dans ça? Ouais, nous autres, on veut toujours des belles femmes, là. Okay, parce que nous autres, on veut. Tu sais, la femme, c'est comme si elle nous donne quelque chose, elle nous fait paraître plus grand. Mais on n'est pas capable de voir que la femme, elle aussi, elle aime ça que son homme soit bien checké. Puis ça, c'est un aspect là, qu'il voulait que je fasse soir. Puis l'autre aspect de ça, c'est qu'ils disent que il va venir un jour, il va venir un jour, à cause de votre sensibilité, sensibilité, sensibilité, sensibilité, il va venir un jour que vous apprécierez les gens que vous rencontrerez qui seront beaux. Ça sera vibratoire. Ouais. Exactement. C'est un chapeau. Puis là, tout le monde dit ça lui fait bien un chapeau. Puis il aime son chapeau, puis il aime porter son chapeau. Ouais. Puis je dis ça, ça complète ta personnalité. Ouais. C'est comme ça que je t'aime, t'es beau de mal. Ouais. Ouais. Mais les hommes ne réalisent pas ça. Parce que l'homme est très égocentrique. Puis il réalise pas, c'est pas de sa faute. Ça n'y a jamais été expliqué. Que la femme, elle aime ça qu'il soit beau. Ah, tout ce que je dis, c'est important. Même si ça a l'air stupide. Mais je sais ce que je veux dire. Le vêtement enjolive le corps matériel et indique que l'attitude interne, le mental, l'émotionnel est bien équilibré. Il y a quelque chose, ça fait partie de l'intelligence. Il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais ça fait partie de la personnalité, c'est plaisant. Moi, il y a une personne dans toutes vous autres là, que j'apprécie toutes les fois que je la vois, c'est elle. Elle, cette femme-là, a toujours été impeccable, puis pour moi, c'est un plaisir de regarder. Tout le temps. Je regarde ses filles, puis j'achète. Quand elle ne sait pas, j'achète des fois, puis j'achète. Puis je la check tout le temps, puis je vais toujours la checker, puis c'est plaisant tout le temps. Laissez-moi vous dire que du vêtement, je connais ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, quand les gens, si j'avais rencontré quelqu'un chez nous qui se prend en jean dans mon workshop, j'irais me changer en cravate pour recevoir les gens chez nous dans ma maison. C'est plaisant. C'est plaisant. Mais ça fait partie de la subtilité. Si je vous disais que dans les plans invisibles, plus vous montez dans les plans invisibles, puis Croteau va vous le dire, plus vous montez dans les plans invisibles, plus les êtres sont extraordinairement beaux dans leurs vêtements. C'est de la royauté, c'est royal. Puis pas dans les plans inférieurs, c'est de la cochonnerie. Tu vas au plan, c'est royal. Parce que le vêtement, ça fait partie de la constitution psychologique des êtres intelligents sur les planètes. Tous les êtres intelligents sur toutes les planètes ont des vêtements. Et plus ils sont évolués, plus les vêtements sont éclatants et beaux et parfaits. Mais on rationalise. Bon, parce qu'on est des maudits rationalistes. Et on dit, oh, il n'y a rien là, le vêtement, c'est pas le vêtement qui compte sa personnalité. Ou il y a un autre fameux qui dit, c'est pas le vêtement qui fait le moine, ou quoi que ce soit même. C'est pas la vie qui ça. Ça, c'est vrai aussi. Mais le point n'est pas là. On n'est plus des moines. On est des moineaux. C'est évident que c'est pas la vie qui fait le moine. C'est pas mes culottes qui me donnent ma personnalité. Ah, il y a des gens pauvres, tu vois ça dans les pays, quand tu vas à Rome, quand tu pars de la province, ils s'en viennent tout de suite à Rome, la première chose qu'ils font, c'est ils s'en vont s'acheter une belle de scie et un seau pour se donner, pour créer une impression, papa, pour créer une impression, pour rentrer dans la société romaine. C'est normal, c'est psychologique. Ça fait partie des lois d'impression. Et quand tu rentres dans l'intelligence, que tu te sensibilises, que tu te sensibilises, je dis que l'apparence physique, c'est très important. Puis ils disent que je ne dis pas pour asseoir, mais que les gens qui sont pas dans leur meilleur se sentent mal. C'est pas ça que je veux dire. Je parle demain. Demain. C'est subtil ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire. Être beau. Bien. Mais c'est toujours les femmes qui ont le poids d'être beau. Les hommes, hein, qui n'ont pas trop. J'ai pas l'impression que j'ai l'impression que tu t'es fait belle à soir, hein? Tu t'es mis du rouge à lèvres. Tu t'es tout en jeu de vie. Puis quand t'es rentré dans la maison, quand t'es rentré dans la pièce, j'ai senti la vibration tout de suite. Tout de suite! Je te l'ai dit tout de suite quand t'es rentré. Parce que t'es une belle femme. Puis, le s'enjoliver, ça fait partie de la femme. Ça fait partie de la nature de la femme. Assez plaisant. Puis un jour, vous allez réaliser l'importance de vos personnalités. Un jour. Juste parce que vous ne réalisez pas tellement l'importance de vos personnalités. Mais un jour, vous allez réaliser l'importance de vos personnalités quand vos personnalités vont être sous la vibration de l'intelligence. Parce qu'un jour, vos personnalités serviront l'intelligence cosmique. Mais une fois que j'aimerais soulever ici, là, c'est que les femmes, on a le goût d'être belles. On a le goût d'être belles. C'est pas forcément pour citer. Mais c'est ça, comme tu dis, une intériorité qui veut se produire à l'extérieur. Mais le problème avec notre existence matérielle, c'est que malheureusement, notre idéal de beauté est toujours là, de faire là, mais le corps suit. Donc, moi, j'aimerais savoir si dans les années qui viennent, on va être capable, est-ce que le corps physique va être capable de maintenir la forme intérieure? Je voudrais. Ok. Ok. Ok. Quand on est de soi, ouais. On veut être beau, on veut respecter. Je vais vous expliquer. Ce qui va arriver, c'est que. Là, je parle réellement universellement. Si. Prenez-moi bien objectivement. Pour être beau, pour se permettre d'être beau, pour se permettre d'être beau dans le physique, il faut avoir une certaine aisance d'abord. Il ne faut pas travailler trop fort. Il faut avoir une certaine aisance. Il y a des gens dans le monde qui sont très riches, l'aristocratie. L'autre peuvent. Ils sont beaux quand ils se couchent, puis ils sont beaux quand ils se lèvent. Ils font toujours. Tu regardes des actrices, là. C'est toujours beau, parce qu'ils ont l'aisance. Mais l'homme, en général, n'a pas cette aisance-là, parce que ça coûte très cher être beau tout le temps, puis se faire arranger. Surtout les femmes, ça coûte très cher une femme d'être belle tout le temps. Mais ils disent que plus l'homme avancera vers l'intelligence, plus l'homme aura le pouvoir sur son environnement matériel, de sorte qu'un jour, l'homme pourra être beau tout le temps. Mais ils disent que ce que je vous dis, c'est pas important pour tout de suite. Parce qu'il y a des conditions qui vous permettent pas nécessairement aujourd'hui d'être dans votre... C'est comme la mère enfant, elle se pomponne, elle se promène. Je comprends, elle n'a pas de responsabilité dans la vie, elle vit seule. C'est une bachelor complète. Fait qu'elle, c'est son plaisir. Puis lui, c'est deux... Mais quand t'as des enfants, 4-5 enfants, puis t'es fatigué, tu n'as pas l'énergie. Mais plus tard, les hommes seront libres de beaucoup de responsabilités à tous les niveaux dans la société. Puis, il y aura beaucoup de mobilité dans le monde, il y aura beaucoup de rencontres à tous les niveaux dans le monde, et ça sera un mouvement naturel de l'homme et de la femme d'être beau. Mais ils disent que j'en parle pour indiquer l'importance d'être beau, parce que quand on est beau physiquement, c'est plaisant pour les autres, qu'on soit homme ou femme. Mais ils disent que c'est important pour les hommes de comprendre que c'est important pour les femmes qu'ils soient beaux. Parce qu'ils disent que les hommes ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Ils ne le réalisent pas. Ou s'ils sont beaux, ils sont beaux pour eux-mêmes parce que ça fait partie de leur tempérament. Comme lui, Guy, il est toujours propre, il est toujours bien mis. Ça fait partie de son tempérament naturel. Il y a des hommes qui l'oublient, ça. Comme il y a des femmes qui sont toujours belles, ça fait partie du tempérament naturel. Mais ils disent le point qui est important, c'est que les hommes doivent comprendre que les femmes aiment ça, qu'ils soient beaux. C'est ça qu'ils veulent dire. Le reste de tout ce qui concerne l'esthétique, c'est pour plus tard, ça. Dans le sens qu'ils disent que plus tard, votre sensibilité sera tellement grande que c'est votre environnement physique, vestimentaire, votre maison, votre lieu devra être beau parce que sans ça, vous allez avoir des tensions automatiquement. Vous allez avoir des tensions? C'est ça que je veux dire. Des fois, je vous regarde, ça se passe dans ma tête, c'est pour vous montrer jusqu'où ça va loin. Des fois, je vous regarde, je vais regarder une personne, ils vont dire, c'est chier, ça y va pas, cette personnalité. Elle va avoir des chiens d'une certaine sorte, d'une sorte. Ou ils vont dire, son chandail, ça y va pas, cette personnalité. Elle va avoir un chandail, comme ça. Ils me parlent. Je ne suis pas pour vous parler de ce qu'ils me disent, ça n'arrête pas. Mais ça montre que quand l'intelligence est très présente dans l'homme, automatiquement, il y a des changements. Moi, à Noël, je m'ai mis beau, je m'étais acheté un habit, je m'ai mis beau, puis je suis allé au party, puis je m'ai mis beau pour tout le monde. J'étais content d'être beau pour tout le monde. Je me sentais beau, je me sentais bien dans mon beau pour moi. J'étais content d'être beau. Ça plaisait, ça faisait nouveau. Mais ça fait toute partie des lois de l'impression. Puis je vous ai expliqué, les lois d'impression sont des lois cosmiques. Puis un jour, vous ne vivrez que de ça. Moi, je viens de ça, des lois d'impression. Soit par la parole, ou par le vêtement, ou par n'importe quoi. La loi d'impression, c'est une des lois les plus fondamentales du cosmos. Les lois d'impression. On est loin de comprendre ces lois-là. Il y a des gens qui vivent selon des lois d'impression inconsciemment. Mais les lois d'impression, ça se vit consciemment. Aussi. Moi, j'ai donné un choc à un scientiste qui est venu chez nous une fois. Un scientiste américain. Un grand bonhomme. J'ai dit, tu vas dans le monde, tu vas donner des conférences dans le monde, dans des universités, dans des congrès, en jeans, un homme avec ta tête, tu t'en vas donner des conférences en jeans, le collet tout ouvert, tu veux que les gens te respectent. J'ai dit, tu veux que les gens te respectent? Respecte les gens! Il dit à moi, clothes doesn't matter. J'ai dit, you goddamn right that clothes matter. Puis quand je l'ai vu, il avait son sou de sa cravate, c'était beau. Il avait compris, il disait, I understood. Au moins, il avait ça. C'est bon, ça. Quel bol! Mets-toi une cravate, si t'en vas parler des scientifres à une confrérie, mets-toi habille-toi, respecte le monde, va t'en pas dans les jeans parce que tu viens de Californie de Sun. Il y en a qui viennent d'Allemagne puis du Japon, ils sont pas dans le Sun, ça, fait que comment t'arriveras avec tes jeans, ça va pas les impressionner, ta bol. Arrive propre. Puis il y a des peuples qui l'ont, ça, les Allemands puis les Japonais, ceux qui se mettent. Ils l'ont, ça. Ils sont respectés aussi. Ça va loin les lois d'impression. Je parle en parlant un livre. C'est pas d'être guindé. Je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est bien facile de tomber en cours dans. Mais je sais ce que je dis. Ça, c'est probablement une des choses que j'aime le moins à parler de la loi des impressions. Parce que c'est une des choses la plus difficile à saisir, puis c'est celle qui suscite le plus de susceptibilité dans la personnalité. Voilà. Il faut être bien objectif pour comprendre là-dedans. Ça va être loin, maudit. Si je parle là-dedans, je vous tiendrai pendant des mois aussi. La loi des impressions. Les gens disent c'est pas important le vêtement. Laissez-moi vous dire que c'est bien plus important que vous imaginez le vêtement. Allez vous trouver une job avec une barbe, allez voir. Crotté, allez voir. C'est subtil, ça. C'est un terrain qui est bien délicat. Mais, c'est pas une critique contre la relaxation que je fais. Mais comme je dis, il y a tout ça dans les raisons. Si tu travailles pas, t'as pas de job. Quand t'as de l'argent, tu peux faire bien les affaires. Les gens n'ont pas toutes la même capacité. Il y a des gens qui travaillent dans des travaux durs, ça dépend. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des gens qui sortent jamais de cette catégorie vestimentaire qui ne permet pas que leur personnalité réfléchisse une certaine élégance, une certaine art, une certaine... Ben, ça fait partie de l'harmonie et de l'art, ça. De temps en temps, t'es voué, là, tu tombes sur le dos. Tu vas t'imaginer qu'ils sont si beaux que ça, hein, qu'ils sont habillés comme du ventre. Alors, je comprends, ils sont tout beaux, déculottés, pis des trous des bas, pis... Moi, j'ai vécu dans mon expérience, dans des environnements extrêmement riches. J'ai vu des gens extrêmement bien habillés, mais inconscients. Fait que ça vaut pas de la merde. Ça, c'est l'opposé de l'affaire. Le simple vêtement. Il y a rien en dedans, là, c'est cinq sur le corps. C'est ça qui amène des gens à critiquer ça. Puis ça, je le comprends. Les jeunes, surtout. Mais là, je parle d'un autre ordre de choses. Je parle de l'homme conscient qui vit le beau à tous les niveaux, interne, mental, émotionnel, vital, physique. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas de l'opposé, de la réaction contre. Mais en parlant des gens, là, des gens qui rentrent dans l'intelligence, puis qui s'en vont, puis qu'un jour vont vivre ensemble, vont travailler ensemble, vont voyager ensemble, vont faire des affaires ensemble, vous allez voir que, automatiquement, l'intelligence va sensibiliser le corps astral pour l'amener à réfléchir la personnalité et là. Je le sais, ça, moi. Moi, je me rappelle que ma femme a fait un party une fois. Il y avait des gens d'Europe qui étaient venus à la maison. Tout le monde était habillé, c'était beau, c'était un beau party, c'était plaisant. Puis la dame qui était là, était dans ses règles. La dame qui était là était dans ses règles. Ses règles étaient très fortes. Fait qu'elle avait demandé à ma femme la permission de se mettre un pantalon. Puis ma femme a dit, tu peux pas mettre de pantalon. Tout le monde est habillé convenablement. Pas de toi. Mets-toi en 3-4. Pas de toi. T'es peut-être mieux que moi pour expliquer ça, Gisèle. C'est ce qui t'est arrivé. Sans ça, ça leur a brisé l'harmonie de la salle. Elle dit pas de toi, mets-toi en 3-4. Ma femme, elle est bien tranquille au parc, mais elle fonctionne quand elle fonctionne. Autrement dit, elle fonctionne sa loi d'impression, ce qui est une loi d'intelligence. Ça aurait détruit l'harmonie esthétique de tous les corps physiques qui étaient dans l'espace. Elle avait raison. J'ai tout de fermer ma gueule. L'autre est tout de espérer. Puis la raison que je vous compte cette histoire-là, c'est pour vous faire comprendre que quand vous serez dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui domine et non vos sentiments humains. C'est ça que je veux dire. Parce que les autres t'opèrent au niveau de tes sentiments. Parce que tu peux plus t'en servir de tes sentiments humains pendant un certain moment. Fait que là, ça passe, là, puis ça part. Puis ça passe comme un épée, un couteau, taf. Là. Le gars, il est mieux d'apprendre. Parce que c'est le même. S'il n'apprend pas, c'est tout bad. C'est le même, ça va à faire des gens. C'est froidement. C'est pour ça que c'est bien. Ça va prendre un temps avant que les gens rentrent, qui travaillent au niveau de l'intelligence. Parce que travailler avec l'intelligence, au niveau de l'intelligence, c'est. Ils disent, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau. C'est un cadeau si t'es capable de le prendre, mais si t'es pas capable, c'est pas un cadeau. Automatiquement, t'es rejeté. Un homme qui n'est pas dans l'intelligence ne pourra jamais rentrer dans une société occulte, dirigée par l'intelligence et les gouvernements invisibles, il sera automatiquement mis à part par lui-même, sans aucun effort de personne. C'est une loi vibratoire, je la connais, cette loi-là. Tu ne peux pas forcer l'intelligence. Oui, j'ai déjà eu à rencontrer un homme, j'ai dit je pourrais pas rencontrer cet homme-là. Parce que demain matin, j'ai dit je pourrais pas rencontrer cet homme-là. Ça, c'est ce que je recevais de l'intelligent. Puis il me dit, oui, tu vas le rencontrer. Il prend l'avion, il s'en vient. Je lui dis, je pourrais pas le rencontrer. L'autre côté, il s'en vient. À 3h du matin, j'ai été frappé, puis j'ai perdu les vues. Je n'ai pas rencontré cet homme. L'intelligent, c'est ça. Comme ça que ça marche. Quand tu ne te rencontres pas cet homme-là, quand même toutes les conditions apparaissent comme favorables à la rencontre, c'est final. Ils m'ont rendu aveugle pendant 3 jours de temps. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer tous les aspects possible, imaginable, de la conscience de l'intelligence, de la psychologie de l'intelligence, pour que vous compreniez avec des termes que l'intelligence de l'homme de demain pourra se construire un environnement matériel qui le protégera contre les éléments de félicité et qui lui permettra de vivre une vie sur la terre qui se passe n'importe quoi en toute insécurité avant le passé. C'est ça que je vous dis. C'est ça, vos sentiments, tout ce qui est astral en vous sera toujours mis en échec, en échec, en échec, en échec, en échec. Si tu pourras passer par toutes ces étapes d'échec, ça en prend longtemps, tu m'en as dit. Tu n'auras pas le choix. Il dit d'essayer de comprendre les nuances de tout ce que je dis pendant tout le temps que je vais parler, parce que tout ce que je dis dans tout le temps que je vais parler a de l'importance, même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous allez comprendre là. Même quand je parle du vêtement. Parce que quand je parle du vêtement, vous ne savez pas qu'est-ce que je parle du vêtement. Moi, je sais qu'est-ce que je parle du vêtement. Et que vous autres, quand je parle du vêtement, vous pensez tout de suite, pas tout de suite, que je parle, c'est demain, tout à l'heure. Demain, alors, il n'y a rien qui m'empêche ça dans le temps où vous allez te voir, puis vous dites, viens, prends l'avion, on va rencontrer un ambassadeur à peine. Il est établi là. Comme ça que je parle. C'est pour ça qu'il dit que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pour demain. Merci.